Le beau temps de Marilyn Desbiol. Adaptation et réalisation, Sophie Haute-Picon. J'oublie tout. Les lettres, les précisions, les vérifications. J'oublie tout et je me souviens. Du seul mot de géographie. Avant de savoir lire et écrire. Avant de savoir former les lettres, de savoir les dessiner. J'ignore tout de ce que je ne sais même pas être une matière. Mais le mot me paraît le plus désirable qui soit. Je me le répète. Troisième mouvement. J'ai grandi dans l'amplitude du paysage. Dans les champs entre la mer au loin, que je pouvais voir depuis mon coffre à jouets, juste en levant les yeux rivés sur la troupe d'enfants. J'ai grandi entre la mer et les montagnes que chérissait Maurice Jobert. Si peu d'histoire, l'aqueduc romain, le monument aux morts, si peu d'histoire ou dilué dans l'amplitude du paysage. Voilà ce qui m'apparaît et même me crève les yeux en feuilletant les partitions de Maurice Jobert, auquel je n'entends rien car je ne sais pas lire la musique, mais qui dessine un monde qui nous est commun. Un temps, je cherche quelque chose dans la partition. Un mot oublié, une lettre, une indication secrète, sans comprendre que tout m'est donné sur la partition. Pas d'envers caché, rien à trouver dedans. J'ai le sentiment de caresser sa joue en tournant les pages des partitions. Et comme autrefois le mot de géographie, les partitions sont opaques et transparentes. Je les regarde encore et encore. Je m'absorbe en elles, je suis les notes portées, les annotations au crayon de couleur. Je suis les notes. J'oublie tout et je me souviens de lui. Il se promènerait près de la mer. Il serait sur la plage. Je peux entendre les galets crisser sous ses chaussures. Je peux éprouver l'inconfort de la marche, cas à cas sur les galets. Il s'assied tout près du bord. Il sourit. Et je souris moi aussi en imaginant l'étirement des lèvres mauves, le léger plissement des yeux. Il sourit pour le plaisir qu'il y a à jeter des cailloux dans l'eau, à réussir un ricochet, pour rien. La mer n'est à personne, et devant elle on éprouve un vrai bonheur, pour rien. J'oublie tout, et je me souviens de lui. Je me souviens d'un jeu que nous faisions avec ma fille quand elle était petite. Je devais deviner de quel film étaient tirées les musiques dont elle me passait un extrait. Et souvent, à ma surprise, j'ai une très mauvaise mémoire des noms des films, je trouvais la bonne réponse, sans réfléchir. Comme si la musique s'était inscrite en moi sans que je l'aie seulement perçue. Comme si la musique, s'effaçant en moi, y avait rejoint le vif de ma mémoire. Musique d'écran. La modestie de l'expression, sa sobriété, conviennent à Jobert, qui le premier a compris que la musique d'écran devait s'effacer derrière l'image. Nous ne venons pas au cinéma pour entendre de la musique, mais tout en même temps préserver sa singularité. Ou plus radicalement, que la musique d'écran en s'effaçant trouvait sa singularité et sa raison d'être. Je parcours la partition du « Mensonge » de Nina Petrovna, que Jobert a composée en 1929. C'est la première musique que Jobert écrit pour un film, et la seule pour un film muet. On le sait, Maurice Jobert, né avec le siècle IX, semble destiné aux choses neuves. Il est partie prenante des débuts du cinéma sonore et des bouleversements esthétiques que le parlant entraîne, comme il est partie prenante du cinéma d'avant-garde qui se détourne résolument du théâtre et de la littérature et que ses héros déclarent justement « neuf ». Alberto Cavalcanti, Jean Painlevé, Henri Storck, John Fernhout, Jean Lodz, Jean Epstein et bien sûr Jean Vigo, pour ne citer que ceux qui ont travaillé avec Jobert. Pendant l'année 1929, Maurice n'a pas dû descendre beaucoup à Nice, où vivent alors Jean Vigo et Lidou Lozinska. Avec pour tout viatique deux lettres de recommandation de Claude Autant-Lara et de Germaine Dulac, Vigo est venu à Nice en décembre 1928 pour travailler brièvement au studio de la Victorine, qui battent alors leur plein. Jean et Lidou trouvent d'abord refuge 19 bis boulevard de l'Impératrice de Russie, chez Janine Champol, qui fut communarde et s'occupa du petit Jean Vigo, Nono, que ses parents délaissent passablement pour le militantisme. Jeannine Champol, impératrice rouge, dont le beau visage enturbanné de vieille dame précède à la toute fin d'À propos de Nice les plans en contre-plongée des cheminées d'usine. En janvier, Jean et Lidou se marient et déménagent au quartier de Fabron, près des studios de la Victorine, dans la villa Les Deux Frères, une petite maison de 3 ou 4 étages, avec une pièce par étage, mais ouverte sur l'arc parfait de la baie des Anges. Dès la fin de l'été, tandis que Maurice Jobert repart de l'autre côté de la mer, en Algérie, Jean Vigo commence à se documenter sur la ville, lire des ouvrages historiques, visiter Nice par le menu, inventorier, prendre des notes, tenter de fixer des associations d'images. Avec Boris Kaufmann, le frère cadet de Dziga Vertov, Vigo tournera À propos de Nice, à partir de février 1930, au moment du carnaval qui est au cœur du film. Si le point de vue documenté d'À propos de Nice engage un homme, dénonce un monde en décomposition, il n'en accueille pas moins la mer, qui submerge soudain tout procès, la beauté des corps dénudés, et même la joie de Jean Vigo lui-même, si jeune, si menacé par la mort, levant haut la jambe avec les danseuses du carnaval. Le doute me vient, et même le découragement. C'est qu'il pleut depuis plusieurs jours. Il pleut alors que le beau temps semblait s'être installé pour toujours. Le beau temps donne l'idée de l'éternité. Ici, il pleut rarement plusieurs jours d'affilée. Le doute me vient et même le découragement. Il faut croire que ce livre est lié au beau temps. Le découragement, Maurice Jobert le connaît dans ses grandes lignes. Il est toujours tenté, et ce vœu est toujours contrarié, de se retirer, de faire retraite, de se livrer à la seule composition musicale ou à la seule exploration de la montagne, débarrassé de toute contingence. Mais à peine est-il rentré d'Alger en janvier 1929 que son ami d'enfance, l'écrivain Georges Neveu, le presse de faire la musique de sa pièce, Juliette ou la clé des songes, qui doit être montée pour le mois de mars. Comme metteur en scène, j'ai pris un metteur en scène de cinéma, Cavalcanti. C'est la première fois qu'on fait ça, et les gens du monde théâtral sont fous de rage, écrit Neveu à son ami, sachant combien ce pied de nez est de nature à le séduire. La rencontre avec Cavalcanti porte ses fruits sur le champ. À cause de son nom, j'imagine Alberto Cavalcanti chaleureux, plein d'ardeur et d'entrain. Le jeune réalisateur est né à Rio de Janeiro et vit depuis le début des années 20 à Paris, où il s'est lié au milieu d'avant-garde. Il se fera surtout connaître par ses documentaires, qu'il tournera en Grande-Bretagne, où Maurice le rejoindra quelquefois, et participera avec lui à cette aventure du cinéma indépendant, à son utopie, où le documentaire a la part belle, procédant à la fois de l'avant-garde et de l'engagement politique. Le monde du cinéma est un petit monde. Jean Painlevé demande à Jobert d'accompagner 3 de ses petits films scientifiques, qui sont autant de ballets de crevettes et autres crustacés. Maurice Jobert retrouvera Jean Painlevé lorsqu'il crée en 1935 un petit opéra cinégraphique pour son très inventif Barbe Bleue. Afin de filmer les bestioles sous l'eau, Painlevé a déjà imaginé quantité d'appareils, machines pour travelling automatique et éclairage qui dérangent le moins possible la vie aquatique. Il crée ici une caméra spéciale pour suivre les petites sculptures en pasteline, une sorte d'argile, vivement colorée et modelée par René Bertrand et ses enfants. Chaque mouvement exigeant une nouvelle figurine, on imagine l'énormité et la lenteur du travail pour 13 minutes de film. Cette féerie en sculpture animée, expérimentale, est toujours neuve, avec ses couleurs très pop art avant la lettre. La jeune épousée, séduite par la richesse, les rivières de diamants de Barbe Bleue, est une bourgeoise écervelée. Elle fait de la balançoire à longueur de temps pendant que son tyran de mari se prépare à la guerre. Barbe Bleue n'est pas un conte du passé et Painlevé est un homme engagé. Lorsque surviendra pour de vrai la guerre, il cessera toute activité cinématographique et entrera dans la résistance. La musique de Barbe Bleue est première et essentielle. C'est elle qui entraîne les sculptures modelées dans une manière d'opéra bouffe, drôle et enlevé. Car si Maurice Jobert est grave, s'il a des accès de mélancolie, il est aussi joyeux et plein de vie. On se souvient que Clown est un des surnoms que lui donne Marthe. Alliance de gravité et de légèreté. Mélancolie qui n'exclut pas le rire. Mélancolie lumineuse que le bord de la mer a imprimé pour toujours en lui. Pas de méandre, mais le ressac. Aucun goût du secret. La musique donnée de Maurice Jobert. Sa ligne claire que je tente d'atteindre à mon tour. Ne pleure pas, bête. Pleine lumière de l'été 1930. En août, un certain Claude, Claude Renoir peut-être, conduit Maurice en auto par des chemins à peine carrossables chez le très étrange personnage qu'est Giono. Il revient de ce périple prodigieux, émerveillé par le pays qu'il découvre, émerveillé par Giono, et avec la promesse de poèmes à mettre en musique. Jobert a l'idée d'un film qui réunirait Cavalcanti, Giono et lui. Giono leur pond aussitôt un scénario, une espèce de grande légende sur la vie des bergers. Il ouvre aux trois hommes la perspective d'un film novateur, porté par le goût de Giono pour l'expérimentation et par l'avant-gardisme de Cavalcanti, à un moment clé de l'invention du cinéma sonore, désireux de s'affranchir des conventions théâtrales qui marquent les débuts du parlant. Quant à Jobert, il imagine un oratorio où se mêleraient psaumes, mouvements symphoniques et airs joués sur des instruments populaires. La maison de production refuse le scénario de Giono et le film ne se fera pas. Les cinq mélodies sur les textes des chants de l'eau vive sont parmi les plus belles compositions de Jobert. Un essai de folklore imaginaire accordé à l'œuvre de Giono, mais aussi aux chants du terroir, que Jobert connaît si bien qu'il peut s'en affranchir et les réinventer sans gratuité. 7 minutes de bonheur enfin accomplies, même si, après 2 petites auditions à Nice et à Paris, en 1938 et 1939, on ne les a plus jamais entendues. Même si Giono lui-même ne les a sans doute pas entendues. Le 16 février 1938, Maurice lui envoie un enregistrement sur disque ainsi qu'un petit paquet d'aiguilles. Les aiguilles droites si vous avez un pick-up, les aiguilles courbes si vous avez un phono ordinaire. Si vous veniez jusqu'à Nice, je vous demanderai de m'y rapporter le disque. Je n'en ai pas de double. Vous pouvez me joindre par lettre ou par téléphone chez mon frère. Villa Mektoub, avenue Émilie, Nice-Saint-Maurice, L 832-66. Le disque arrive cassé chez Giono, qui le fait savoir à Maurice Jobert par un télégramme. Un matin de grand beau temps, je décide d'aller avenue Émilie. J'ai la tentation de composer le numéro de téléphone donné par Maurice à Giono, mais je me retiens. Dans ce quartier, il reste quantité de petites rues, de jolies villas fin 19e, début 20e, mêlées aux immeubles récents. L'avenue Émilie est une impasse minuscule, très paisible. Hormis un immeuble, pas très haut, il y a là seulement des villas et leurs jardins plantés d'arbres aux fruits d'or, de bougainvillées, de palmiers nains. La villa ne s'appelle plus Mektoub, mais le Clos Marjac. Elle est doublement fermée, par ses portes et fenêtres, par son nom. Privée de son nom des mille et une nuits, elle est muette. Avant de partir, j'emporte l'image d'une table et de 2 chaises en métal vert au bout d'une allée. Décor sans qualité, mais poignant. Peut-être à cause de l'absence de tout corps comme de toute perspective, dans une lumière étincelante qui se moque bien du monde. On dirait un tableau de Félix Vallotton. Maurice Jobert a cette générosité, cette naïveté, de vouloir relier les gens qu'il aime entre eux. Le 15 mars 1936, il écrit à Giono pour lui demander, en vain, de marquer sa sympathie à Esprit, la revue d'Emmanuel Mounier dont il a été l'une des premières recrues, par l'envoi d'un texte. Tout empli d'admiration pour ses livres, Jobert se méprend sur les convictions et l'implication politique de Giono. L'aspiration de Maurice Jobert et des jeunes intellectuels des années 30 à un changement radical est très forte. Ces jeunes hommes étouffent au sein d'une société vieillie, comme la guerre a décimé la génération intermédiaire. Dès son retour d'Alger, il s'investit dans des causes plus modestes et plus concrètes. Marthe et lui participent à l'Université ouvrière de Belleville, la Semaille, en donnant des concerts salle Lénine. Cette université fait partie de la Bellevilloise, à la fois coopérative ouvrière, centre culturel et social, qui repose sur un patronage laïque. Il adhère en 1935, dès sa création, à la Fédération musicale populaire qui encourage l'interprétation du répertoire classique et moderne par des musiciens amateurs, surtout ceux issus de la classe ouvrière, et qui deviendra une des plus importantes organisations musicales françaises à la fin des années 30. Maurice Jobert espère aussi et surtout que le cinéma permettra de réinventer une musique qui est sa nature propre, pas expressive, mais décorative, joignant sa propre arabesque à celle que nous propose l'écran. Une musique populaire en somme, mais de son temps, débarrassée des oripeaux de l'expressionnisme et du sensualisme d'hier, et recréant, sous la matière plastique de l'image, une matière sonore impersonnelle par une mystérieuse alchimie des correspondances qui devrait être le fondement même du métier de compositeur de film, dira-t-il dans une conférence sur la musique de film prononcée à Londres et publiée dans Esprit en avril 1936. Désir d'être largement entendu et générosité, le don sans mesure et sans espoir de retour. C'est ce que dira, modestement, comme si cela allait de soi, Maurice dans ses lettres de guerre à Marthe, et qu'il incarnera pour finir dans Le secret d'une forêt. J'entends le coucou dans la colline, ce qui n'arrive pas souvent, et me relie immédiatement à la colline de l'enfance. Le chant du coucou est clair, mais sa clarté n'évince pas son mystère. Il troue la forêt comme il troue le temps, et rien n'est dévoilé. Sur la route, en voiture, dans le printemps que Maurice Jobert aurait dit glorieux, comme je pourrais le dire à mon tour, il me vient à l'esprit que ce que j'écris là n'accompagne pas la vie et la mort de Maurice Jobert, pas plus que sa musique n'accompagne les images des films, mais que comme lui, je tente de leur ajouter une résonance de nature spécifiquement dissemblable, d'y joindre non pas mon sentiment, mais ma propre arabesque, et, par une mystérieuse alchimie des correspondances, de recréer une matière écrite aussi impersonnelle que la matière sonore désirée par Maurice Jobert. T'as de beaux yeux, tu sais. Le coucou n'est pas si loin. Embrassez-moi. Par un jour d'orage et de soleil mêlé, j'apprends comment il est mort. Je reçois du ministère de la Défense une grande enveloppe marron où « Urgent » a été écrit à la main. Une vingtaine de feuilles volantes constituent le dossier de Jobert Maurice, capitaine au 1er régiment du génie, qui en son temps, en 1941, a été envoyé une première fois à Mademoiselle Poidelouée, 8 rue Blanche, Paris 9e, dont il est stipulé que Jobert Maurice est le beau-frère. Marthe a dû donner l'adresse de sa sœur plutôt que la sienne, comme elle est résistante, chargée par le réseau Brutus de missions entre la zone libre et la zone occupée. Mission favorisée par sa condition de chanteuse itinérante par définition et par l'Ausweis permanent que la commandante Tour lui a délivré afin qu'elle puisse circuler librement. Je reçois du ministère de la Défense une liasse de photocopies. Je brasse tous les papiers. Certains tombent par terre. Je ne retrouve rien. Je gagne du temps. Je relis plus lentement la lettre manuscrite de la Croix-Rouge où il est dit que le O lui a fracturé l'avant-bras et traversé le foie le 19 juin à 14h à Azraï, qu'il a été transporté dans sa propre voiture par son chauffeur à Baccara, où on lui a fait un sérieux pansement et de la morphine, et dirigé ensuite par les soins de l'ambulance sur une formation chirurgicale en direction de Saint-Dié des Vosges, peut-être à Raon-l'Étape, qui se trouve entre Baccara et Saint-Dié. Mais plus terrible encore, plus brutal, plus cru, irréfutable et contredisant les informations rapportées par la Croix-Rouge, l'extrait du registre des déclarations et renseignements relatifs au décès émanant du service de santé, estampillé par le médecin-chef de l'hôpital mixte de Baccara et signé le 27 janvier 1941 par Laurent Auguste, l'économe de l'hôpital. Ce dernier certifie à la main et je retiens mon souffle, que le capitaine Jobert Maurice est décédé au dit hôpital le 19 juin 1940, vers 12h, sur la table d'opération. Blessure, ventre ouvert, intestin sorti par EO. Puis, à la machine à écrire, large plaie pénétrante de l'abdomen par éclat d'obus avec issue des intestins. Comme les légendes, les vies réelles ont des variantes. J'aurai connaissance un peu plus tard d'un papier portant le titre de « Relation de la mort du capitaine Maurice Jobert » tapé à la machine à écrire et signé par Pierre Bernard et Pierre Petit qui fut le chauffeur de Maurice pendant la guerre. Il est écrit que le 19 juin 1940, Maurice Jobert venait de quitter Baccarat à bord de sa petite voiture avec son chauffeur. Des avions italiens survolent assez bas la région qu'ils mitraillent. Le capitaine et son chauffeur se mettent à couvert dans un sous-bois. Il y a là des soldats polonais qui tirent sur les avions. Le capitaine et le chauffeur sont sortis de la voiture et causent auprès d'un arbre. L'arme d'un des polonais s'enraye et brusquement, comme un coup de feu est parti inopinément, le capitaine s'écroule, se tenant le bras et disant « Je suis touché ». Les soldats prennent à partie celui qui a tiré, alors le capitaine dit « Laissez-le, nous n'y pouvons rien ». Pierre Petit, en essayant de relever le capitaine, aperçoit la blessure au ventre qui semble grave. Au Polonais qui lui demande quelles sont ses dernières volontés, le capitaine répond « Toutes mes pensées vont à ma femme et à ma fille ». Une camionnette polonaise mène le capitaine à l'hôpital de Baccarat. Petit est avec lui. Un aumônier confesse le blessé. Le major lui fait des piqûres et un pansement. Il dit à Petit qu'il ne reverra pas son capitaine. J'aurais du mal à croire à cette relation, comme je me suis formé d'autres images et comme certaines phrases sonnent faux. Mais je crois à l'arbre contre lequel causent Maurice Jobert et son chauffeur. C'est le printemps. Cela couvait depuis longtemps déjà. Et puis soudain, tout est couvert de fleurs. Maurice Jobert est mort au début de l'été. Il ne connaîtra pas l'été. Il entre dans mes rêves. Je le vois de profil, le profil d'une photo de Porcro avec Supervielle. Nous marchons sur une route de campagne. Je ne le vois pas en contre-plongée comme je le devrais, car je suis petite fille et il est bien plus grand que moi. Il me pose des questions et je ne sais pas si je lui réponds. J'ai le sentiment de babiller. J'ai rêvé de Snow, écrit Maurice à Marthe depuis le front. Snow est une peluche, blanche sans doute, qu'il a rapportée d'Angleterre pour Françoise. Il rêve de neige dont il transmet la douceur à sa fille. Il rêve de la montagne qu'il a aimée toute sa vie, des hauts sommets immaculés. J'ai rêvé de Snow. Snow, comme son rêveur, va-t-il entrer dans mon rêve ? C'était Le beau temps de Marilyn Debiol, lu par Marie-Sophie Ferdan, avec la voix de Gonzague Van Berwesles. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminck et Pierre Henry. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Adaptation et réalisation, Sophie Haute-Picon. Le beau temps de Marilyn Debiol est publié aux éditions du Seuil.